la vigne. Tous ces ceps, les chaladrois, sont au port d'armes. Qu'attendent-ils? Le raisin ne sortira pas encore cette année, et les feuilles de vigne ne servent plus qu'aux statues.